An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Rions avec les anciens, mais sommes-nous encore capables de rire, du rire antique ? Alors, quand les blagues sont revisitées, mises au goût du jour, nous avons un peu d'espoir. Il y a l'histoire de ce type qui rentre dans une taverne, l'index et le majeur tendus pour indiquer qu'il souhaite qu'on lui serve 2 bières et qui en reçoit 5. Ou alors il y a l'histoire de ce Guste, toujours dans la taverne, la même, et qui commande un Martinus. Un Martini, répond le tavernier. Bah, si j'en avais voulu plusieurs, je vous l'aurais dit. Oui, l'humour antique est à consommer sans modération. Daniel Johanna, bonjour. Bonjour. Rire avec les anciens, c'est un de vos ouvrages que vous signez aux belles lettres dans la collection Signet. Rire avec les anciens, c'est une façon de lire les textes antiques. L'humour est un peu partout dans l'Antiquité, même chez Homère. Bien sûr. Ce qui m'avait donné l'idée d'écrire ce livre, c'était que j'avais envie de mettre en valeur non pas vraiment le rire, le gros comique, celui qu'on trouve chez Aristophane, encore que ce soit souvent très drôle, mais je me disais, ce qui est peut-être moins connu du grand public, c'est ce que nous appelons de nos jours l'humour, et qui était quand même quelque chose de bien connu des anciens. Effectivement, même chez Homère, il y a des passages qui sont quand même très drôles, comme celui où Ulysse raconte comment un camarade qui était sorti pour faire le guet avec lui la nuit sans prendre son manteau, ils ne sont pas seuls, il y en a d'autres avec eux, tous les autres ont leur manteau, sauf le malheureux, qui commence à grelotter, et il dit à Ulysse, vraiment, j'ai froid, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et alors Ulysse lui dit, c'est très simple, il prend un de ses voisins, qui est réputé pour courir très vite, il lui dit « Va vite dire au commandement principal que nous avons besoin de secours. » Alors l'autre, pour courir plus vite, laisse son manteau sur place et celui qui était démuni de manteau peut enfin avoir chaud. Daniel Johanna, le rire se démultiplie sous forme de situations diverses. Là, c'est un exemple. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant de se dire que chez Homère, nous retrouvons ce genre d'humour. Mais la notion même d'humour est quelque chose de compliqué. Hein. Hier, dans l'émission Le cours de l'histoire, nous réfléchissions à cette notion. Existe-t-il un rire à la française ? Une émission à réécouter sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et l'idée que le mot humour entre dans la langue au 19e siècle fait que, je vous pose la question, les Grecs avaient-ils une définition de l'humour ? Eh bien, c'est difficile à dire parce que, effectivement, ce n'est pas facile à traduire en grec. Si vous me donniez à faire un thème grec, je serais un peu embarrassée. Enfin, il y a un mot qui revient assez souvent, qui est l'adjectif plutôt, parce que le substantif, non, je ne vois pas. Mais l'adjectif, ce serait astéios, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'astu, c'est-à-dire de la cité. Donc il y aurait une opposition entre les gens un peu cultivés qui ont une certaine finesse et qui peuvent apprécier ce genre de comique que nous appelons l'humour, et puis les gens de la campagne à qui il faut du bon gros rire, comme on en trouve chez Aristophane, justement. Encore que Aristophane soit souvent très fin, lui aussi. Aristophane est un personnage évidemment essentiel dans l'évocation du rire dans l'Antiquité, donc auteur de pièces de théâtre, de comédie. Aristophane, c'est quand même un personnage qui nous conduit au 5e siècle avant Jésus-Christ, et notamment avec sa pièce Lysistrata. Mais où veux-tu en venir, Lysistrata ? À la paix. La paix ? Auriez-vous oublié jusqu'à son nom ? Depuis des années et des années, Athènes se bat contre Sparte et Corinthe. Les filles du même ciel et de la même terre se déchirent. On ne se déchire bien qu'en famille. Une trêve vient d'être conclue. Les hommes vont donc revenir. rire. Le seul bon côté de la guerre est que ceux qui en reviennent ont encore plus envie de mourir. Parlons sérieusement. Une fois les hommes revenus, nous pouvons les empêcher de repartir. Tu ne connais pas les hommes? Ben évidemment, elle en connaît qu'un. Que pouvons-nous faire? Il faudra plutôt ne rien faire. Pas de femmes. Autrement dit, refuser aux hommes la moindre parcelle de nos corps, la moindre complaisance, tant qu'ils n'auront pas fait la paix. C'est une plaisanterie? Non, c'est du chantage. Une adaptation télévisée de cette pièce d'Aristophane en 1973. Ici, Daniel Johanna, nous avons l'évidence du rire, étant donné que la pièce est faite pour rire. Et d'ailleurs, bien longtemps, le rire dans l'Antiquité n'a été regardé qu'à partir de ces éléments fabriqués pour le rire. Oui, exactement. C'est vrai que, alors, chez Aristophane, il y a souvent des passages, enfin, dans ces comédies qui sont pleins de finesse et qui ont des résonances modernes inattendues. Par exemple, toujours dans cette Lysistrata, où les femmes se sont retranchées sur l'acropole pour résister, et un mari qui est très malheureux parce que quand même il a des besoins et plus personne pour les satisfaire. Donc il vient se plaindre à sa femme, il amène même leur enfant dans les bras en disant « Écoute, il y a 5 ou 6 jours enfin, qu'il n'a pas bu, qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas été changé. » Alors l'épouse qui s'appelle Myrine dit oh, « Quand même, il a un père bien négligent, ce petit. » Et alors il lui dit « Mais descends, allez, viens me retrouver. » Et alors, elle le mène en bateau, si l'on peut dire, en lui disant « Oui, oui, oui, je vais descendre, mais écoute, il me faut un matelas quand même, et puis un oreiller. » Alors le mari va chercher tout cela, et puis à ce moment-là, quand il est, lui, tout prêt, elle remonte sur l'acropole et elle le laisse. Donc, Aristophane, curieusement, insinue dans ses propres... qu'il n'est pas très aimable avec les femmes, mais... En réalité, il prend très souvent le parti des femmes. Il y a un passage que j'aime bien dans une autre de ses pièces qui est peut-être moins connue, qui s'appelle l'Assemblée des femmes. Dans l'Assemblée des femmes, là aussi, les femmes sont très mécontentes des décisions politiques prises par les maris. Alors un matin, elles décident d'aller à l'Assemblée du peuple à leur place. Et comme ça se passe au début du IVe siècle, où apparemment Athènes est devenue pauvre, enfin, donc les gens du peuple n'ont qu'un vêtement à se mettre sur le dos. Donc elles se mettent de fausses barbes et elles prennent le vêtement de leur mari qui n'a plus rien à se mettre sur le dos. Et un commissaire vient essayer de mettre de l'ordre là-dedans et vient parlementer. Et on lui dit, mon cher, alors il dit, tais-toi, tu n'as rien à dire. Il dit à la femme, tu n'as rien à dire, toi qui portes un voile sur la tête. Et effectivement, on peut trouver que cela a des résonances modernes. Et donc la femme lui passe le voile en disant, bon, ben, je te passe le voile, et maintenant tais-toi et écoute-moi. Et justement, chez Aristophane, il y a aussi une volonté de l'usage du rire pour faire passer un message, pour de la politique. Là, nous sommes dans un rire qui a une acidité et un objectif nettement défini. Oui, la comédie ancienne, enfin celle du 5e siècle et du tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ, ne correspond pas vraiment à ce que nous appelons la comédie. C'est plutôt avec Ménandre ensuite qu'on aura la comédie qu'on appelle bourgeoise, avec des amours contrariés, etc. Non, les comédies d'Aristophane ont toujours un objectif politique. Très souvent, c'est un homme politique qui se voit appelé d'un autre nom, mais qui est mis en scène et raillé et vraiment tourné en dérision. Ça ne devait pas être toujours très drôle d'être un homme politique dans l'Antiquité. C'est sûr. Non, mais c'est drôlement intéressant de voir la manière d'utiliser le rire. Et Daniel Johanna, vous avez juste devant vous 2 ouvrages. Alors, il y en a un, c'est Le rire avec les anciens que vous publiez aux Belles Lettres. Et alors l'autre? C'est le Philogélos. C'est-à-dire, c'est un recueil de blagues qui a été, de blagues grecques. Le Philogélos, cela veut dire littéralement l'ami du rire. Et c'est un recueil qui a été publié tardivement, entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, il devait y avoir des blagues qui circulaient, mais oralement. Et alors, donc à cette époque, quelqu'un les a recueillis et mises par écrit. Et alors, il y en a qui sont... Enfin, si vous voulez, elles ressemblent beaucoup à notre humour moderne. Par exemple, il s'attaque à un moment aux médecins. Alors, je vous cite deux anecdotes dans le Philogélos concernant les médecins. Un malade vient le voir en lui disant « Docteur, tous les matins, quand je me lève, je ne me sens pas très bien. Pendant une demi-heure, j'ai des vertiges, j'ai mal à l'estomac, je ne suis pas bien. » Alors le médecin lui dit ben, « Levez-vous une demi-heure plus tard. » Voilà, tout simplement. Tout simplement. Justement, ce Philogélos, on le retrouve, hein, mais alors pour... quelques euros, c'est oui. Les éditions fabuleuses Mille et une nuits, va te marrer chez les Grecs. Voilà. Et justement, pour faire illustration de votre propos sur ce Philogélos, ce recueil de blagues antiques. Donc, nous sommes bien après Aristophane. Hein. Nous sommes au 3e, oui. Peut-être 4e siècle après Jésus-Christ. Nous allons en avoir un extrait des blagues antiques lues par Tatiana Werner. Un homme interpelle un intellectuel. « L'esclave que tu m'as vendu, il est mort. »« Diable, » dit l'autre. « Quand il était chez moi, il n'a jamais fait ça. » Pendant la procession funèbre d'une importante personnalité de Cimée, quelqu'un s'approche et demande aux gens suivant le convoi « Qui est le mort ?» Un Ciméen se retourne alors et dit en faisant un geste de la main « Et c'est lui là, dans le cercueil. » Tatiana Werner qui nous lisait un extrait du Philogélos avec alors ici l'évocation donc un Siméen. Alors ça nous conduit en Asie mineure. C'est le Belge de l'Antiquité. Voilà. Oui. Alors je pensais moi plutôt aux Abdéritains qui sont plutôt les Belges de l'Antiquité. Alors Abdère c'est tout au nord de la Grèce. C'est une ville qui n'est pas loin des Dardanelles, enfin de l'Hellespont. Et alors par exemple, un Abdéritain dit, qui a appris que les oignons donnaient des vents. Et alors, il est sur son bateau, c'est un moment de calme plat. Et alors, il attache au mât un paquet d'oignons. Pour faire avancer le bateau. Faire avancer le bateau. Non, mais c'est ça, on retrouve dans ces blagues antiques des structures qui correspondent aux blagues que nous connaissons aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est un jeu où donc il y a des cités qui sont stigmatisées, les pauvres, oui. Qui subissent sans cesse les blagues. Dans les études que vous avez pu faire, Daniel Johanna, autour de ces blagues, il y a quelque chose de mécanique avec une évolution visible ou ce sont des schémas figés? Je pense que ce sont des schémas plus ou moins figés. Alors, il y a quelque chose enfin, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui me frappe beaucoup, moi, c'est la façon dont les Grecs mettaient en boîte les dieux. La façon dont... Alors, oui, c'est avec Lucien qu'au IIe siècle... après Jésus-Christ, justement, Lucien, on l'a appelé le Voltaire de l'Antiquité, et il écrit alors des dialogues des dieux ou des choses comme ça, et alors il y a un autre écrit qui n'est pas dans les dialogues des dieux, mais où c'est à Zeus, il met Zeus en scène, et Zeus qui se lamente en disant qu'il est absolument surbooké, comme nous dirions maintenant, parce que non seulement il doit gérer tout ce qui dépend de lui, c'est-à-dire le tonnerre, les pluies, les orages, etc., tous les phénomènes météorologiques, mais en plus il doit être à la fois dans tel endroit pour superviser les sacrifices en son honneur, à tel autre endroit où il y a un prêtre qui fait un sacrifice, enfin, il ne sait plus où donner de la tête. Mais vous savez, dans l'évocation de Lucien qui se moque des dieux, nous avons le pendant contemporain. C'est pas Lucien, il s'appelle Jules, 50 nuances de grec. On passe nos journées à papoter entre dieux sur l'Olympe, vautrés dans des nuages kitsch en attendant le déluge, tandis que les mortels sont en train d'inventer des trucs démentiels sans qu'on s'y intéresse une seconde. Genre quoi? La salade tomate feta? Genre des créations culturelles bouleversantes. De la poésie, du théâtre. Les Grecs sont en pleine période classique. Ils créent des œuvres qui vont influencer l'humanité pendant des siècles et des siècles. Bah écoute Athéna, je veux bien qu'en tant que déesse de la culture et du savoir, tu aies envie de garder un œil sur ce qui se fait côté théâtre dans l'antiquité gréco-latine. Mais franchement, moi je vois pas pourquoi je devrais m'emmerder à regarder des mecs en coturne déclamer des hexamètres dactyliques. Mais enfin, la comédie, la tragédie, ça parle de nous tout ça. En moins intéressant quand même. 50 nuances de grec par Jules. Justement, oui. Dans cet humour associé à la religion dans l'Antiquité, la question se pose, pourquoi ? Juste pour le plaisir de se moquer d'une institution avec une vraie volonté de contestation ? Non, certainement pas. Les Grecs avaient le sentiment que les dieux, c'était des personnages tout proches, finalement. Pas très différents d'eux, ils leur prêtent une histoire souvent amoureuse qui ressemble beaucoup à la leur. Alors, c'est petit à petit qu'on voit apparaître une sorte de mysticisme, enfin, qui est déjà présent, bien sûr, avec les mystères d'Éleusis, mais le mysticisme viendra progressivement. Ce qui est très étonnant, c'est de voir justement, par exemple, chez Aristophane, des pièces. Je vous citerai, par exemple, Les Grenouilles, où le dieu Dionysos part aux enfers. Alors, il est mis en scène, hein, directement. Il part aux enfers parce qu'il se plaint que tous les grands poètes dramaturges sont morts. Il faut en ramener un pour avoir enfin des spectacles de qualité. Donc il descend aux enfers, mais comme Dionysos est un dieu venu de l'Asie, il n'est pas très courageux. Bref, il pense qu'il est plus sûr de se déguiser en Héraclès. Parce qu'Héraclès est déjà descendu aux enfers, il a laissé une saine peur de lui derrière lui. Donc il prend une peau la peau du lion de Némée, il prend une massue et il descend aux enfers avec son esclave. Et quand il arrive aux enfers, il s'aperçoit que finalement, Héraclès ne fait pas si peur que ça. Dans une auberge où il était resté passé sans payer, on l'attend et on a l'intention de lui faire un mauvais parti. Alors vite, il prend son esclave et il lui met la peau du lion sur le dos et la massue pour que ça soit lui qui prenne les coups éventuellement. Et quand les choses se gâtent, alors rompant toute illusion dramatique, il court se réfugier derrière son prêtre qui est assis au premier rang de l'assistance. Alors évidemment, on peut penser que ça pourrait laisser supposer que les Grecs ne respectent pas beaucoup leurs dieux, mais si, ils les respectent. Les deux cohabitent sans difficulté chez eux, le respect et les gentilles railleries à l'égard de leurs aventures. Les dieux sont partout, voilà. Tout est divin dans la Grèce antique. Pourquoi pas ? Le rire, dès lors, est omniprésent. Quand l'on étudie le rire, nous avons déjà évoqué ces pièces de théâtre, les comédies. Mais il n'y a pas que les comédies, il y a ce rire quotidien. Le monde grec est un monde de sociabilité, donc tout peut porter à rire. Absolument. D'ailleurs, les hommes politiques, quand ils passaient dans la rue, étaient très souvent, enfin assez souvent, disons, interpellés, sans respect peut-être particulier. Par exemple, Périclès, dont on sait qu'il avait une grosse tête, il avait été surnommé « tête d'oignon ». Et probablement qu'il se faisait interpeller comme ça. Et dans certaines fêtes, par exemple la fête des Antestéries, dans le premier jour, qui durait 3 jours cette fête, le premier jour, il y avait des chars qui circulaient dans la ville et en échangeant des plaisanteries avec les assistants. Et on peut bien imaginer que si parmi les assistants il y avait quelqu'un de connu, il devait se faire interpeller. D'ailleurs, Aristophane, souvent, fait des allusions à quelqu'un qui doit se trouver effectivement dans le public. Alors, pas des hommes politiques, mais des hommes quelconques, enfin, qui ont des mœurs douteuses, par exemple. Il dit « Ah oui, comme machin qui est là-bas, enfin bon. » Et justement, il n'y a pas de réaction à ces moqueries. Est-ce qu'il y a des écrits qui disent « Nous condamnons ce rire omniprésent, ce rire de moquerie » Non, pas vraiment. Et ce qui est frappant aussi, c'est que vraiment, on n'intentait pas de procès quand on était insulté, enfin, qu'on pouvait se juger insulté comme cela. On n'intentait pas vraiment de procès. Et d'ailleurs, je sors un peu du domaine du rire, là, mais dans les procès, les gens n'hésitaient pas à dire les pires des choses sur leur adversaire. Enfin, ça, c'était de la diffamation sans la moindre hésitation. Et apparemment, tout le monde laissait passer ça. Tout le monde laissait passer ça, mais dans votre travail, Daniel Johanna, en quête de la blague dans les textes antiques, mais c'est un travail difficile au sens où vous pouvez percevoir une blague qui vous parle, de l'humour qui fait écho à quelque chose que nous comprenons aujourd'hui. Il y a sans doute tout un pan de l'humour qui nous échappe, ce qui faisait rire les anciens et qui ne nous fait plus rire. Exactement, parce que l'humour, ça suppose, enfin me semble-t-il, ça suppose un fond commun auquel on fait référence, qui est connu de tout le monde, et qu'on s'amuse à renverser, à inverser, à prendre sous un angle inattendu. Donc effectivement, il y a peut-être à certains moments des allusions à une histoire connue, à un fond connu des auditeurs ou des spectateurs, et que nous ne connaissons pas forcément, donc qui ne nous fait pas rire. Mais effectivement, ça suppose une sorte de tradition commune. Cette tradition commune, nous la retrouvons notamment dans ces recueils de blagues. Recueils de blagues qui, sans doute, existaient dans la Grèce antique. Nous n'en avons pas conservé. Non, parce qu'il n'y avait que Enfin, ça ne circulait pas par écrit, certainement pas, non. Celui que nous avons conservé, le Philogélos, il date du 3e siècle, du 4e siècle après Jésus-Christ. Allez, autre blague du Philogélos, lue par Tatiana Werner. Un client vient trouver un intellectuel médecin. « Docteur, dit-il, quand je me lève le matin pendant une demi-heure, je suis dans le brouillard. Après, ça va. » Le médecin lui dit « Lève-toi une demi-heure plus tard. » Un barbier, un professeur étourdi et un chauve voyagent ensemble. La nuit, ils montent la garde à tour de rôle. Comme le barbier s'ennuie durant sa veillée, il décide de raser la tête du professeur pour se distraire. Celui-ci se réveille, passe la main sur son crâne et s'exclame « Oh, et quelle andouille ce barbier! Il a réveillé le chauve à ma place !» Des blagues antiques avec un barbier, un professeur, un chauve. Nous retrouvons bien des structures de blagues que nous connaissons encore aujourd'hui. Oui. Et parmi ces structures de blagues, il y a des personnages, nous l'avons dit, des personnages selon leur origine, des cités, stigmatisées, et puis selon des professions, le médecin, le barbier, le professeur. C'est quelque chose qui est très récurrent et l'on s'en rend compte en lisant ces recueils de blagues. Ce sont toujours les mêmes. Oui. C'est vrai, c'est parce que c'était sans doute des personnages d'une certaine notoriété, j'allais dire pas tout à fait comme les dieux quand même, mais enfin je veux dire qu'ils sortaient du commun, que normalement on respecte, et on montre qu'ils ne sont pas si respectables que ça. Il y a une autre blague dans le Philogélos sur un médecin qui m'a aussi amusé, où un médecin vient soigner un malade. Alors là, si vous voulez, ce médecin-là n'est pas quelqu'un de très respectable apparemment. Il vient soigner un malade qui a mal aux yeux. Et donc, il lui met quelque chose dans les yeux. Et pendant que celui-ci ferme les yeux, il lui vole une lampe. Et quelques jours plus tard, il vient voir le malade et il lui dit « Alors, est-ce que tu y vois mieux ?» L'autre dit « Ah non, je vois moins bien, je ne vois plus ma lampe. » Ben oui, voilà, tout simplement. C'est de la blague qui est efficace encore pour nous aujourd'hui, voilà, bien sûr. Voilà. Mais nous avons bien compris, Daniel Johanna, que pour saisir l'humour antique, il faut comprendre l'ensemble de ce monde dans l'Antiquité. Hein. Le monde comme le voyaient les Grecs, hein, c'est un de vos ouvrages que vous publiez également aux Belles Lettres. Dans ce monde à reconstituer, il y a évidemment plusieurs approches du rire, plusieurs types de rire, des rires destinés à des publics différents. Exactement. Et puis, alors, sans parler de condamnation morale, mais quand Platon s'intéresse au rire, il y a le regard du philosophe sur ses contemporains. Et là, des failles peuvent se creuser entre ces différentes formes de rire. Vous les saisissez, vous aussi, en étudiant tous ces textes de l'Antiquité ? Pas vraiment, je dirais. Non, parce que les analyses savantes, si vous voulez, sur le rire, comme on en trouve chez Platon ou chez Aristote, restent dans un petit milieu intellectuel, si vous voulez. Oui, ça reste dans un petit milieu intellectuel. Oui. C'est-à-dire que le rire est omniprésent dans la cité. Voilà. Quelques micro-critiques vont pouvoir apparaître dans certains textes. Mais ce rire omniprésent dans la société fait-il partie de ce que l'on pourrait classer comme élément d'identité, de reconnaissance d'être grec, tout simplement ? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Je dirais que Enfin, ce que j'avais cherché à faire en écrivant ce livre sur l'humour, enfin le rire chez les anciens, c'était parce que j'étais un peu gênée en tant qu'élève et ensuite en tant que professeur par l'idée qu'on se fait généralement de la Grèce. Dès qu'on parle de la Grèce, on voit de sages philosophes marchant d'un pas mesuré, vêtus d'une tunique blanche, enfin dans des rues bien propres, avec enfin dans un monde très ordonné, très polissé, très raffiné, alors que en fait le monde grec était comme le monde alors peut-être médiéval et certainement comme certains milieux modernes aussi beaucoup plus simple, rustique, où on s'amusait franchement sans prendre de gants, voilà. Oui, rire omniprésent et toute forme de rire scatologique, enfin tout est là, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, quand vous parlez de rire scatologique, il y a un passage que j'aime bien chez Aristophane qui était expurgé dans nos éditions quand j'étais élève moi-même, où justement c'est toujours, alors dans l'autre, la pièce dont je parlais de l'Assemblée des femmes, un mari dont la femme est partie avec ses vêtements n'a plus rien à se mettre sur le dos et il a besoin de sortir dans la rue pour se soulager, ce qui donne aussi une idée de la propreté des rues d'Athènes. Donc il sort avec la robe de sa femme et un voisin à sa fenêtre s'exclame en le voyant, enfin il lui explique pourquoi il est sorti et le voisin s'exclame en le voyant « Mais c'est un câble que tu nous fais là !» Et alors ça, je pense que c'était expurgé dans nos éditions scolaires d'autrefois, mais on imagine très bien ce que le public pouvait voir sur scène là-dessus. Et j'imagine aussi très bien, écoutez, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour chez les Grecs. France Culture. J'aimais Jenny, mais un matin elle m'a dit, mon vieux c'est... Le cours de l'histoire. Faire un petit tour chez les Grecs. Oh, c'est formidable, c'est presque incroyable ce que l'on s'amuse bien ici. Xavier Mauduit. J'en oublie Jenny et mes amis. Dans ce pays, il y a des filles inouïes. Oui, il y a des filles inouïes dans ce pays. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Esther Solentic, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudette, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou, avec aussi Nicolas Berling. Eh bien, cette émission sur le rire antique nous fait réfléchir au mode de rire dans l'Antiquité. Et avec vous, Daniel Johanna, nous voyons bien qu'il y a des procédés qui nous parlent encore. Alors, c'est plus ou moins efficace, hein, il faut le dire, parce que bon, ça se tombe un peu à plat. Mais le rire contemporain, c'est aussi la même chose. Et puis, il y a le rire, et vous l'avez déjà évoqué dans tout ce que nous avons pu dire depuis le début de l'émission, sur le rire contre les puissants. La figure du puissant, la biographie du puissant émaillée d'anecdotes et de bons mots. Ça aussi, c'est quelque chose qui participe du rire antique. Oui, par exemple, Denis de Syracuse, le tyran Denis de Syracuse, était un homme qui se piquait de littérature et il composait des vers. Et alors il avait une cour de poètes autour de lui qui s'extasiait sur ses vers, et sauf un qui était très franc et qui ne disait pas son avis, qui disait plutôt franchement son avis, ce que Denis de Syracuse n'appréciait pas beaucoup. Et une fois où il avait été trop sévère avec lui, il a dit à ses gardes, allez vous l'emmener tout de suite aux latomies. Les latomies, c'était les carrières de pierre qui servaient de prison. Et puis après, bon, quelques jours après, quand même, il se repent un peu de sa sévérité, il fait revenir le poète et il lit de nouveaux poèmes. Et il demande à ce critique sévère, alors qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre se tourne vers les gardes et dit « Emmenez-moi au latomie tout de suite ». Oui, voilà. Non, mais c'est ça, c'est que la figure de l'homme illustre nécessite d'avoir des petites anecdotes. Alors bien sûr, nous pourrions relire les vies parallèles de Plutarque, nous pouvons lire aussi, pour retrouver César, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, de Jean-Yann. Non, écoute-moi, noble César, puisque cette alliance avec l'Égypte est nécessaire pour l'avenir de notre économie, ne crois-tu pas qu'il serait bon profitant de sa venue, que tu envisages d'épouser la divine Cléopâtre. Épouser, mais qu'est-ce que ça veut dire, épouser? Ça veut dire mariage? Oui, mariage, mais enfin, pour des raisons simplement politiques. Oh. Non, mais tu ne serais pas obligé. Non mais il est fou celui-ci. C'est tout ce qu'il a trouvé, me faire épouser une Éthiopienne. Une Égyptienne? Oh non, mais écoute Coco, non. Non, je sais que tu m'es tout dévoué. Que tu veilles jour et nuit au salut de l'Empire, mais alors là, tu devrais te reposer un peu, parce que... Non, franchement, tu déconnes. Oh. Non, mais tu me vois avec une bonne femme sur les bras, il déchire partout, mais on rêve, hein, par moments, hein. Excuse-moi, mais vraiment, c'est trop drôle. Tu rentres chez toi, tu prends une tisane... et au dodo, hein. Alors, j'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Oh non. Oh, je vais la raconter. On va la raconter. Michel Serrault et César. Et Michel Auclair et le consul Démétrius dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, ce film de Jean-Yann en 1982. Le fait de raconter les bons mots, les moments très particuliers de la vie d'un grand personnage, fait aussi partie d'un mode de narration. C'est un passage obligé presque dans la construction, un peu comme un moyen d'édifier le lecteur. Oui, c'est vrai. Et justement, alors Monsieur Xavier Darcos, qui avait fait l'interview préliminaire de mon ouvrage là, Rire avec les anciens, Rire avec les anciens, soulignait la présence de l'humour chez les historiens justement dans leur façon de, alors un humour qui est peut-être pas toujours très très sensible, mais il y a toujours de l'humour. Et alors moi j'ai été frappée, alors puisqu'on enfin, je peux citer le passage d'Hérodote avec la reine Artémise. Alors, Hérodote raconte ça très sérieusement, mais on sent l'humour. La reine Artémise, lors de la bataille de Salamine contre les Perses, était du côté des Perses. Et comme elle était poursuivie par un bateau grec qui allait la couler, elle s'est retournée contre un de ses alliés qu'elle a coulé elle-même. Alors du coup, le grec a cessé de la poursuivre en disant « Je dois me tromper, elle doit être dans notre camp ». Xerxès, qui suivait les opérations du haut d'une colline, Xerxès, le roi des Perses, a dit « Oh là là, quelle femme quand même, elle vient de couler un bateau !» Et Hérodote dit « Par chance, il n'y eut aucun survivant dans le bateau coulé. » Je trouve ça plein d'humour, parce qu'il n'en dit pas plus, mais... Oui, c'est ça, c'est l'humour sous-entendu, et justement... Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui, nous nous intéressons à ces vieux recueils dans lesquels on fait les meilleures blagues. Et après ces recueils antiques, nous allons passer avec un saut gigantesque dans le temps au recueil de la Renaissance, mais avec une certaine cohérence. La Renaissance, lecteur, lectrice oui. De ces textes antiques avec François Lavie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes attaché d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 1. Vous venez de soutenir votre thèse. Vous êtes docteur. Félicitations, François Lavie. Vous pouvez nous rappeler le titre de votre thèse? Oui, alors la thèse s'intitule donc, « Le recueil de facéties entre culture écrite et oralité à l'époque moderne ». Et j'ai travaillé donc, sur 3 pays, la France, l'Italie et l'Angleterre, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Une thèse sous la direction de Jean-Marie Le Gall. Et justement, François Lavie, depuis le début de cette émission, nous parlons de ces recueils de blagues, pour le dire simplement, dans l'Antiquité. Et vous retrouvez au XVIe et au XVIIe siècle un procédé, alors je ne vais pas dire similaire, mais qui intègre l'humour dans la narration et notamment dans la biographie, la narration de la vie d'un homme. Alors oui, effectivement, et pour faire écho à ce qu'a dit Daniel Johannin, on peut souligner d'abord que finalement l'héritage de l'Antiquité est omniprésent à la Renaissance. Vous savez que la Renaissance, c'est le retour aux sources, ad fontes, c'est l'expression des humanistes, et c'est notamment le retour aux sources du rire et de l'humour des anciens. Alors cet héritage antique, on le retrouve notamment dans les sources justement utilisées par les compilateurs d'anecdotes facétieuses à la Renaissance. Et je peux vous donner ici un exemple d'une anecdote qui a été recopiée par Léonard de Vinci, le célèbre peintre, à la fin du XVe siècle. Donc voilà la blague. Hein. On demanda à un peintre pourquoi lui, qui faisait de si belles représentations de choses mortes, avait des enfants aussi laids. Il répondit qu'il faisait ses tableaux le jour et ses enfants la nuit. Voilà. Donc vous avez compris l'idée. Or, cette anecdote, on en connaît des versions antérieures. Chez Pétrarque au XIVe siècle, mais surtout dans l'Antiquité, notamment chez Macrobe, voilà, que Daniel Johannin connaît très bien, j'imagine. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire que dans les recueils de facéties de la Renaissance, on trouve beaucoup d'anecdotes de l'Antiquité recyclées, donc qui viennent soit de Macrobe, soit de Plutarque, que vous avez évoqué tout à l'heure, donc les vies illustres et les biographies de Plutarque. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un deuxième lien, finalement, entre l'Antiquité et la Renaissance, au niveau de l'humour et du rire, c'est que les recueils de facéties de la Renaissance ont un certain nombre d'usages, de fonctions, qui renvoient, finalement, à des choses qui ont été théorisées dans l'Antiquité. Alors, pour aller vite, hein, on peut distinguer, finalement, quatre usages fondamentaux de ces recueils de facéties à la Renaissance. Un usage médical, un usage pédagogique, un usage rhétorique, un usage conversationnel. Alors, je ne vais pas développer chacun de ces usages, mais simplement pour prendre l'exemple de l'usage médical, par exemple, on peut souligner donc le principal objectif de ces recueils, c'est de purger la mélancolie, de purger les humeurs mélancoliques. Et ça, c'est un principe qui remonte à la médecine humorale de Galien ou d'Hippocrate dans l'Antiquité. Donc ça, c'est un premier élément, un premier pont, finalement, une première concordance entre l'humour, entre les anciens et les modernes. Et on pourrait prendre également l'exemple de l'usage rhétorique. Donc c'est l'idée que la facétie va apporter du sel, de l'urbanité à un discours. Ça, c'est une idée, finalement, qui remonte à l'Antiquité romaine, cette fois plutôt à Cicéron et Quintilien, qui ont écrit des traités de l'orateur. Hein, et dans ces traités, justement, ils soulignent que la facétie, que le bon mot, l'anecdote plaisante, peut être un outil rhétorique utile à l'orateur et notamment à l'avocat, hein, dans les plaidoiries. C'est passionnant, hein, de voir combien des ponts peuvent être tirés entre l'humour de l'Antiquité et puis sa redécouverte et surtout son adaptation à la Renaissance avec cette période entre deux. Pour cette période entre deux, il serait pour moi une faute professionnelle de ne pas évoquer ce nom de la rose. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage ? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument assez pas... Assez ! Aïe ! Le nom de la rose, avec Sean Connery, le film de Jean-Jacques Adam, 1986, après le roman d'Umberto Eco. Justement, Daniel Johanna, dans cette évocation d'Aristote et du rire, y a-t-il une incompréhension médiévale, ou en tout cas, le mot médiéval ne veut rien dire dans ces moments-là, parce que nous sommes sur des temps très très longs du rire. Effectivement, enfin, ce sont les chrétiens qui sont passés par là. Et effectivement, bien avant le nom de la rose, on a Tertullien, par exemple, qui dit surtout, il ne faut pas rire, enfin, le rire est condamnable. Et c'est vrai que, enfin, je pense qu'on a quand même continué à rire, mais apparemment, on peut imaginer, enfin, je pense que des prédicateurs en chair condamnaient sévèrement le rire. Et ça, c'est tout à fait contraire à l'esprit grec et même romain, je pense. Les Romains aimaient bien rire aussi. On a peu parlé des Romains, mais c'est vrai que... Les Romains étaient aussi baignés de ce rire antique qui est adapté, réadapté, et que nous retrouvons donc à la Renaissance. Mais François Lavie, ce rire de l'antique que certains auteurs vont puiser comme ça pour construire le rire de la Renaissance est alimenté aussi par un rire contemporain, un rire du XVIe, du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui attire ces auteurs dans le rire ? Effectivement, il y a des éléments contemporains, notamment le fait qu'au XVIe siècle, donc c'est le siècle des réformes protestantes et catholiques, et donc la facétie au XVIe siècle va être finalement embrigadée dans ces combats religieux. Et donc on peut ici prendre l'exemple plutôt des protestants, hein, qui vont utiliser la facétie dès le milieu du XVIe siècle à des fins polémiques pour railler leurs adversaires catholiques, pour railler également le dogme catholique, les éléments du dogme, dans une optique désacralisante. Donc effectivement, vous avez raison de dire que l'humour finalement de la Renaissance, la facétie renaissante, c'est pas uniquement une réactivation, une renaissance de la facétie ancienne ou de l'humour des anciens, mais il y a aussi des éléments de modernité qui s'inscrivent dans ce contexte, notamment la question des réformes religieuses. Oui, parce que le contexte est essentiel toujours pour comprendre l'humour, avec cette question de l'objectif de l'humour, et c'est vrai que l'objectif politique de l'humour, dans ce que vous avez pu étudier, François Lavie, dans ses recueils de facéties, paraît évident, que ce soit pour mettre en scène une situation ou mettre en scène un personnage. Alors oui, effectivement, et ici on peut faire référence à une figure tout à fait essentielle à la Renaissance, qui est le roi Henri IV. Alors en France, on a souvent l'image d'un roi finalement amateur de femmes, hein, c'est la mythologie du ver galant. Mais en réalité, à l'époque moderne, Henri IV était beaucoup plus célèbre, ou aussi célèbre, pour sa faculté à plaisanter, donc à débiter des bons mots, des réparties, des saillies. On a tout ce vocabulaire martial finalement qui est appliqué à l'humour. Et donc ce modèle du roi plaisantin, c'est ce que l'historien médiéviste Jacques Le Goff avait appelé le modèle du rex facetus, voilà, du roi facétieux, c'est-à-dire du roi qui utilise la plaisanterie comme finalement un moyen de gouverner les hommes. Alors je peux vous donner des exemples de cela. Allez-y. Par exemple, pour ce qui est de la relation qu'Henri IV entretenait avec ses anciens coreligionnaires protestants. Donc vous savez qu'Henri IV s'est converti au catholicisme en 1593, donc pour pouvoir gouverner le royaume de France. Hein. Et lorsqu'il rencontre des députés de la religion réformée, donc de la religion protestante, après cette date, il a tendance à les repousser par des bons mots. Voilà, alors typiquement, à un moment, il y a cette anecdote qui est racontée par un bourgeois parisien, par Pierre de l'Étoile. Donc Henri IV apprend que des médecins huguenots se sont convertis au catholicisme. Et là, il dit, je le cite, « C'en est fait de l'affaire des huguenots, puisqu'ils sont même délaissés des médecins. Bon, » autrement dit, ils sont moribonds, ils vont bientôt disparaître. Oui, c'est ça. C'est, voilà. C'est le bon mot du souverain qui est noté. Et effectivement, Henri IV a bénéficié d'excellents chroniqueurs de son temps. Vous l'avez cité, François Lavie, il s'agit de Pierre de l'Étoile. Est-ce qu'il y a, ceci dit, d'autres choses dont vous vouliez parler? Nicole Védrez, tenez, vous avez un gros livre. Mais c'est le troisième volume, mais néanmoins deuxième tome seulement, du journal de Pierre de l'Estoile. Pierre de l'Estoile était un magistrat et il a commencé à tenir son journal, je crois, enfin, sous le règne de Henri III. Et puis là, le tome suivant, c'est sous le règne de Henri IV. C'est passionnant, c'est énorme, comme vous voyez, c'est très gros, et c'est le troisième volume. Mais c'est vraiment merveilleux parce qu'il y a tout, il y a tout, il y a tout le monde. Tout d'un coup, comme ça, il a acheté un livre avec une illustration de Durer, mais enfin il note ça en passant. Puis tout d'un coup, il parle d'un portrait d'Érasme qu'il a comme ça. Et puis tout à coup, il parle de Ronsard, mais absolument à tu et à toi. Et puis après, il parle absolument comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui, j'ai rencontré Picasso, il m'a montré ses et puis alors j'ai vu que le marchand de couleurs en face vendait des hula hoop, enfin tout, il y a tout, il y a tout. C'est vraiment très beau, ça mérite, je vous assure, ça paraît rébarbatif comme ça, mais on passe un bon moment. Mais quand je vois des livres comme ça, des livres de mémoire, merci Nicole Védrez, je me demande qui écrit sur notre époque. Oh, bon, on regardera les actualités. Eh oui, c'est probable. Oui. On regardera les actualités, cette voix est celle de Jean d'Ormesson dans Le Masque et la Plume en décembre 1958. Le Masque et la Plume qui évoquait donc ce portrait, cette figure de Pierre de l'Étoile. François Lavie, c'est essentiel pour comprendre le rire au XVIe siècle, à la toute fin du XVIe siècle. Comment il y a cette volonté de noter toutes ces scénettes, les noter, voire les inventer un petit peu, les arranger. Alors effectivement, Pierre de l'Étoile, c'est un personnage tout à fait important dans l'histoire de la Renaissance française. Et effectivement, pendant plus de 40 ans, il a compilé, alors pas seulement des bons mots et des facéties, mais en fait tout ce qui lui passait sous la main, les actualités politiques, les chansons, les poèmes, etc. Et donc dans ces recueils manuscrits qu'on appelle les journaux-registres de Pierre de l'Étoile, qui couvrent en gros le règne d'Henri III et d'Henri IV, Pierre de l'Étoile s'est amusé également à compiler les bons mots du roi Henri IV et j'en ai comptabilisé, dans cette énorme masse documentaire, j'en ai comptabilisé environ 70. Voilà, donc c'est tout à fait significatif. Et donc en faisant cela, finalement, Pierre de l'Étoile compose un recueil des bons mots d'Henri IV. Donc cette forme du recueil, c'est la forme finalement classique, hein, pour collecter, pour réunir l'information à la Renaissance. Avec un objectif, évidemment, c'est mettre en scène le souverain. Exactement, voilà. Donc Pierre de l'Étoile, c'est un partisan d'Henri IV, y compris avant même la conversion d'Henri IV au catholicisme. Pierre de l'Étoile est un légitimiste, on pourrait dire aujourd'hui, donc quelqu'un qui soutient Henri IV parce qu'il est légitime à être roi de France au nom des lois fondamentales du royaume de France. Et ce qu'on peut souligner, c'est que alors Pierre de l'Étoile est assez isolé finalement du vivant d'Henri IV, c'est un des seuls à compiler les bons mots du roi. Mais après la mort d'Henri IV, on va voir véritablement une floraison assez impressionnante de recueils de bons mots attribués à Henri IV, alors qui pour certains d'ailleurs sont apocryphes, hein, sont des réécritures justement de bons mots de l'Antiquité. Mais c'est tout à fait intéressant de voir justement cette floraison entre les années 1620 et 1660 de recueils de bons mots du roi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ces recueils, finalement, ils remplissent des fonctions différentes. Certains ont finalement une vocation de glorifier le souverain, donc dans une forme de propagande politique, mais d'autres vont servir simplement à divertir, donc à chasser la mélancolie. Donc en lisant les bons mots du roi Henri IV, on va chasser les humeurs mélancoliques. Et enfin, vous avez des recueils qui peuvent servir à l'éducation des princes. Et ici, on peut prendre l'exemple d'un recueil qui a été compilé par l'archevêque de Paris en 1662 à l'intention du jeune Louis XIV, donc qui commence son règne personnel à ce moment-là. Et donc cet archevêque de Paris finalement donne à Louis XIV l'exemple de son grand-père illustre qui s'était en particulier illustré par sa capacité de répartie. Oui, parce que nous avons encore aujourd'hui en héritage tous ces bons mots. Ce sont des recueils qui ont été... Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus mis de côté, puisque les sources ne sont pas sûres et nous sentons que tout est inventé. Mais ils ont été sans cesse et sans cesse reproduits. C'est presque la base de cette littérature extrêmement populaire, ce mode de narration de l'histoire, très 19e siècle, à partir du bon mot. Alors oui, effectivement, et si on voulait... avancé dans le temps, finalement, j'ai souligné le fait qu'énormément de recueils avaient été compilés au XVIIe siècle, mais en réalité, au fil des traditions documentaires, l'image de cet Henri IV Rex Facetus s'est prolongée dans le temps, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, voire jusqu'au XIXe. Et il y a certainement un moment de bascule au XIXe siècle où la mémoire de ce caractère plaisant, de ce caractère facétieux du roi va disparaître dans l'historiographie et va être remplacé par l'autre image qui va devenir dominante, cette fois du roi Henri IV, qui est celle justement du roi amateur de femmes. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette mythographie d'Henri IV, le ver galant. Oui, c'est ça. C'est Henri IV qui nous plaît, parce qu'il y a vraiment la construction ici volontaire de l'image d'un souverain. Le roi facétieux n'entraîne-t-il pas quelques critiques, malgré tout, François Lavie ? Alors, le roi facétieux, pas nécessairement, mais par contre, la facétie au sens strict, oui. Et notamment, non pas en France, mais plutôt en Italie, à partir du milieu du XVIe siècle, on va voir finalement une renaissance de cette suspicion à l'égard du rire, à l'égard de la facétie, qui était évoquée tout à l'heure dans l'archive sonore du nom de la rose. Oui. Donc, à partir du milieu du XVIe siècle, dans le contexte de ce qu'on va appeler la réforme catholique, un certain nombre de dignitaires de l'Église, notamment, et notamment l'Inquisition romaine, va se lancer dans une stratégie répressive à l'égard du rire et aussi à l'égard de toutes les formes de littérature en langue vernaculaire qui diffusent un message critique vis-à-vis de l'Église, disons. Et la facétie, évidemment, en fait partie. Bah oui, la facétie comme élément du rire. Nous avons abordé juste un point de votre travail aujourd'hui, François Lavie. Hein. L'Europe plaisante, le recueil des facéties entre culture écrite et oralité à l'époque moderne. Ça, c'est votre thèse. Va falloir la publier parce que ça a l'air vraiment passionnant. Pour avoir survolé votre travail, les recueils autour du roi nous a intéressés, mais il y a plein d'autres aspects à développer. Et merci beaucoup aussi à vous, Daniel Johanna. Rire avec les anciens, c'est aux belles lettres. Bah oui, voilà, histoire de se faire plaisir. Et il est temps maintenant, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'histoire, un avantage des réunions non mixtes du MLF, vous allez nous dire ça, c'était ces réunions dans les années 1970. Alors que la polémique fait toujours rage avec persistance sur les réunions non mixtes organisées au sein du syndicat étudiant UNEF, la tentation est puissante de se pencher sur celle qui était organisée dans les années 70 par le MLF, la référence historique la plus citée, et particulièrement sur ce que cette contrainte a pu apporter de productif. Les femmes du MLF avaient des compagnons, des frères, des amis masculins qui, malgré parfois leur bonne volonté, se sont vus fermer la porte de ces rassemblements. Ils n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils étaient hommes et rien que pour ça. Alors qu'ont-ils fait ces garçons ? D'abord, ils se sont occupés des enfants lorsqu'il y en avait, parce qu'il fallait bien que la vie continue pendant cette réunion. Et puis, ils se sont parlé entre eux pour comprendre la raison de cette exclusion temporaire. Insistons sur le temporaire. Ça n'est pas parce qu'une réunion n'est pas ouverte à toutes et tous qu'il est interdit de se parler en dehors de ces dites réunions. Comprendre donc pourquoi les femmes, leurs proches, leurs familles, leurs compagnes, leurs sœurs ressentaient le besoin de se réunir sans eux. C'était le cas de certains groupes d'hommes qui ont interrogé leur propre manière d'être au monde homme, puisque c'était ça l'objet de cette privation de mixité. Évidemment, cela demandait de ne pas rejeter d'emblée la pertinence des dénonciations féministes, de ces interrogations sur la part des rôles dans la société, des rôles distribués en fonction du genre de chacune et de chacun. Ces hommes exclus, mais pas résignés, se mettent à questionner leur masculinité et le malaise entre les sexes qui n'était plus contenu. Ils ont interrogé leur rapport à leur identité masculine, telle qu'elle leur avait été transmise. Ils ont questionné aussi leur relation avec leur père et la culture de leur genre, si dénoncée par les féministes et mise à l'épreuve par la sortie du placard des homosexuels. Réservé aux mecs exclusivement, du moins dans un premier temps, on est tous des grands timides. Alors les nanas, laissez-nous nous exprimer entre nous. Les discussions se font profondes et déstabilisantes, et leur désaccord total ou partiel avec cet héritage si longtemps tu se fait jour et s'affine dans son expression et dans leur discours. Mais avec cette réflexion qui ne fait que commencer, comment agir ? Si l'air du temps prescrit la jouissance sans entrave, les carences de la contraception gâchent souvent la fête. Alors comment jouir vraiment sans entrave pour toutes et tous ? La pilule contraceptive autorisée depuis 67 par la loi Neuwirth reste loin d'être prescrite facilement et l'avortement, même légalisé en 75, n'est jamais une solution désirable, loin de là. Comment faire pour que les conséquences du plaisir charnel ne pèsent pas exclusivement sur le corps des femmes ? En revendiquant le partage de la contraception. L'association Ardécom, association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, entre autres, voit le jour et se tourne vers la science pour trouver des réponses. À partir de la fin des années 70, toutes les méthodes de contraception sont passées au crible. Vasectomie, slip chauffant, pilule, préservatif. La contraception au masculin est expérimentée avec succès durant quelques années par cette poignée d'hommes avant la démobilisation progressive et surtout avant l'épidémie de sida qui devient prioritaire dans les années 80. La contraception masculine est cependant établie et éprouvée, répertoriée par l'OMS, un résultat peu médiatisé et pas encore très utilisé, mais qui est le fruit d'une réflexion féministe qui a poussé les hommes à trouver des solutions pour établir un espace de responsabilité partagée avec leur propre corps et avec leur devenir père. La contraception masculine ou comment transformer une relégation en révolution à venir, cela valait bien une réunion. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous poursuivons notre histoire du rire. Bouffons quand le roi s'amuse.